habits un peu marrons, je déambule seul dans le métro. Une dernière chance pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Où la douce enfance. Sans lui, je suis.